sur la mine. C'est nuisance. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui vous encule finalement. C'est nuisance. C'est tout ce qu'on fait, tu vois. Je suis en train de t'écouter, tu vois celui-là. Qu'on m'écoute. Non, je pense pas, non. Désolé, excuse-moi, mec. Tu parles un jour, j'espère. Ouais, je vais vous dire des conneries. Hein. Non, tu vas pas dire de la merde. Pas ce soir, excuse-moi, mais non. Si, c'est une émission de merde. Non, pas toi. C'est pas possible, tu vas pas me faire ça quand même. Pas toi. Oh là là là, j'ai jamais vu un truc aussi pire. Oh là là là là là là. Ah! vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance, c'est l'enfer, avec... Rico. Voilà, avec Rico qui mixe, voilà, et moi-même. Et ensuite, le thème, c'est... Indus, ce soir. Non, en fait, le thème c'est pas l'Indus, c'est aller vous faire enculer ce soir. Allez, bonne écoute. Une poignée de sable, ouais. Une poignée de sable, ça gratte, ça gratte. Sentir sous mes aisselles, pas sur mes aisselles, sous mes aisselles. Donc sentir mon cul, tu veux sentir mon cul, je t'aime pas. Toi là-bas, je t'aime pas. T'as compris quelque chose? T'y es pas encore. Merde. Oh, faut répondre à ces émissions de merde, c'est pas ton pathos là. Répondre à quoi? Qu'est-ce que tu me dis toi? C'est pas ton pathos, c'est trop du cul. Pathos, ouais. Mon cul, ouais. Ouais, ton pathos. Mon fion, je parle de mon fion, c'est tout. C'est ça la politique, c'est ça la vie. Chier. Se faire chier, et faire chier. Ah. Ouais, excellent. Thank you. non, ne zappez pas, restez avec nous. C'est vraiment important pour moi, c'est plus important que toutes les choses. De toutes les choses importantes, c'est ça le plus important pour moi, que vous restiez avec nous, quoi. Restez avec nous. Restez avec nous. Restez pour toujours avec nous. Mon fion, il y a une histoire à raconter. Celle de la merde. Que c'est ? Every time I fuck somebody in the ass, I feel like shit, you know? La drogue. La drogue, la drogue. Qu'est-ce qu'elle a fait de nous, la drogue? La bière, regarde ce que la bière. Ah non, si c'était que la bière. Justement, c'est pour ça que je dis la drogue, hein. Toutes les drogues. Fuck me in the ass, baby, baby. Fuck me in the ass, baby, baby. Fucking is good. Feels like shit, you know? See what I mean? Et ouais, ça y est, c'est parti, on écoute du contemporain. C'est Bartok, Barthélémy, en face de Schubert, Johan, Sébastien. Fucking is good. Fucking feels like shit, you know? Yeah. il n'y avait toujours pas d'air dans ce milieu intempestif, dans ce milieu saint. Oh, le saint milieu sacré. On lui chie à la gueule. On lui chie dans le trou du cul. On le prend, on le retourne dans le cul. On lui pète dans la bouche, on lui chie dans les seins. On lui prend son cul à soi-même. Et on se retourne et on s'étripe. Tu vois ce que je veux dire? C'est triple. Tu vois ce que je veux dire? À qui ils sont? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non. Some get a kick from cocaine. Hold it, what the hell is that shit? I'm in a song, a real song, something like... They have told you, and can you see? Stories unfold, they become their lies. From the real touch, memorized, was hypnotic. I knew, began with a fucking blitz. Rewind, singles, leaving nothing. My list thought, a push message. Can you grasp, what's about to follow? And can you see, spend your life to this, spend our lives. Stuck it in the corners, to infinite peace of tomorrow. Mine! Dysentery qui a mixé. Avec plein de caca derrière. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Fuck me, feels good. Feels like shit. Fucking shit tastes good. Fuck me. Fuck me again. It feels like shit. Alors, disons c'est une... Non, disons ça. Ça s'entend, ok. Alors, nuisance, on l'écoute pas, on l'entend. On l'encule. On l'encule, ouais. Et puis, c'est ça, ouais. Ouais. Tous les trous. C'est ça, nuisance est un trou. Qu'on encule. Je sais pas ce qu'il dit, mais il a pas l'air content, monsieur. Ouais. Je crois qu'il a la dysenterie, c'est ça? L'enfer, on comprend plus rien, merde. Qu'est-ce que cet enfer de merde, on comprend plus rien, on les fait enculer. Out of the desert. Fuck. Fuck me. Fuck it. Fuck us. Fuck everything. Fuck everybody. Fuck it. On a oublié de ralentir le CD avant de le passer, c'est un vinyle merde. Feels like shit because shit is good. Shit tastes like anal fuck. Parler ou dire des conneries? Parler ou dire des conneries? C'est trop facile. Ladies and gentlemen, residents of Little Tall, I thank you for your attention to my needs. And I now declare this meeting at an end. With a suggestion that the less you know, Leave. Libéré Georges Abdallah. Libéré Georges Abdallah. Laissez le studio propre. Accéder à notre ami. Fucking feels like shit because I hate myself and fuck you. I'm never gonna die for you, piece of shit. J'aimerais vous présenter l'émission Nuisance, c'est une émission choc qui intitule son intitulé par Nuisance. Nuisance, c'est l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est à peu près 22h, ça fait à peu près une heure que ça tourne. Et c'est vraiment l'enfer. J'espère que vous mourrez tous dans vos sièges de merde, baquets en cuir, avec des doudounes sur votre volant et des dés, justement, autour du rétroviseur qui pendouille, comme des couilles molles où vous êtes en allant en boîte. Mais va te espèce faire de merde, enculer, vous allez enculer. En boîte, allez crever l'enfer. Va te faire enculer, toi, là, le mec qui vous fait de la qui merde. Résonne. Allez, va te faire enculer, le mec qui résonne. Allez, va te faire enculer, le mec qui résonne. Je hais le monde. Résonne, donc tu fais écho. Il me le rend bien. Tu résonnes, tu fais écho. Tu résonnes, tu fais écho. Je m'encule. Je partage pas. Écho dans le pathos. Pathos écho. Je partage rien, je garde tout pour moi. Tabasco. Up in the ass, if it's possible. Thank you. vous arrêtez pas, les gars. Hein. On a même pas commencé. C'est bon, tu vas te calmer maintenant. C'est pas parce que t'es à 200 km que tu vas te permettre de mal parler. Hein. Petite bite. On t'encule, mec, on t'encule. On aimerait ne pas se présenter ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui me parle ? Je ne veux pas t'entendre. Des singes. On est avant tout des singes. Des bonobos ou des chimpanzés Des ou... homo sapiens, mais des singes. Non. Singes, homo sapiens. Quel singe? Si, si, voilà, des mammifères, homo sapiens, mais on est des singes, des mammifères. Ça a quoi à voir avec mon fion, ça hein? Ah bah si, justement, tu parlais des bonobos, tout ça, ça fait du lapsus révélateur, quand même. Et les babouins, ils ont des gros culs ou pas? Oh, sûrement, je crois qu'ils ont les culs rouges. Moi, ça m'a toujours fait effrayer là, quand j'étais cool, petit. Cool, j'ai envie de voir leur trou du cul, tu sais. Quand j'étais petit, je sais pas ce que c'est, ça m'a toujours effrayé. Leur... ceux qui avaient leurs culs rouges. Ceux qui avaient les culs rouges, là, les grandes dents, putain. Ouais, ça va, ils étaient effrayants. Quel horrible noir. Le noir, c'est pas beau. Bah... non, mais c'est n'importe quoi, on nous apprend ça à l'école. Vous imaginez quoi, les gars? On parle de bonobo, ça finit par noir. Ah ouais, c'est vrai que c'est... je suis fondé dans le racisme, c'est vrai, mon gars. Le colonialisme de merde, je suis un français de pute, quoi. Il a raison, il a raison de soulever le problème, là. Il a raison de soulever le problème, ouais. Mais bon, passons. Ensuite, on va parler des meufs ce soir. Alors, pourquoi on les appelle toujours des salopes, t'sais? Sales déjà, et hop, c'est quoi, c'est toi qui les appelles des salopes. Ah oui, alors, écoutez, hop. Pourquoi? Écoutez, écolo-sale. Écolo sale. Parce qu'on soulève la question. Un écolo ou une écolo sale. Et la merde, c'est féminin, vous avez remarqué? Ouais, la merde, c'est féminin, mais comme tu le disais. Non, mais je dis ça, moi, j'ai rien dit, tu vois ce que je veux dire. La mer et la merde, c'est pareil. Ça me rappelle toujours la merde, merde. Double Ecstasy, là, qui a Double Ecstasy, qui a été ministre de la Santé, là. Il était aussi merde lourde. Merde. Non, la merde, ça pue. Il faut avouer, quoi. C'est vrai. La merde, ça pue. Hein. Ah ouais. Ça pue la merde. Non, ça pue la merde. Bah voilà, c'est ça. Ça pue pas. Ça, ça sent la merde. Ah. Bah alors, il se passe, c'est parce que... Il se passe pas grand chose, mais il y a quelque chose quand même. Finiment calme, si tu veux, calme. Mais... C'était plutôt souffrant, je trouvais. Ouais. Malsain. Déliquescent. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Dédicassant. Non, déliquescent, mec. Putain, merde. Une fois que je sors un mot que je comprends pas, t'sais. C'est juste ils disent rien quoi, ils écoutent même pas la radio quoi, c'est juste des merdes, c'est tout. Oh. super les commentaires. Et ça y est, vous êtes réveillés les gaziers du Puy-de-Dôme. Hein, les gaziers du Puy-de-Dôme, vous êtes réveillés? Quand même, vous arrivez sur le plateau là. Ils y vont, on voit le son. Thank you. et Georges Abrahim Abdallah. Libérez Georges Abrahim Abdallah. Bientôt 30 ans de tôle. I'm gonna tell you something about my anus, it's full of shit. It's all about the fucking goddamn shit, fucking the anus, fuck. It's just like fuck together, fuck. Yes, fuck the anus. The anal fuck. I fuck me, I fuck you, you fuck me, you fuck you. Anus. Fuck. Fuck. Hello. Fuck me, this shit. It feels like shit fucking me. It feels like shit fucking me. The anus. Fuck. Anal. Thank you. Abdel 3 dans le style. Voilà, là, ça c'est Hector. Cassette, voilà. Cassette. Téléphone 05 61 53 36 95. Possible. It's just all suck each other's dicks. Vas-y. Let's fuck each other. Let's fuck each other's dicks. Allez, vas-y, parle de ton cul. In the ass. À la Shakespeare. Vas-y, parle de ton cul. À la Shakespeare. Vas-y, ass, mon pote. Fuck, Shakespeare, fuck, rien. Ass, vas-y, Shakespeare, t'expires rien. Ass. Oui, ça fait du bien de parler de son cul. Expectory, vas-y, je expectory. Donc, je traduis quand même pour une fois. Ah, on va le faire reculer, vas-y, traduis pas. Hein. Je disais as, baise, cul, ça fait cul, baise, cul, cul, baise, baise, cul, cul, baise, baise, baise, cul, cul, baise, baise, cul. Thank you. mais c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Je crois que je vais. Ça y est, bon, ben voilà quoi. On voudrait vous dire qu'on est désolé. Il est presque 23h. Et donc, je disais, il est presque 23h. On est sur Canal Sud 92.2 FM. Bien, point 2. Téléphone le 05 61 53 36 95. Adresse le 40 rue Alfred Duméril. Moins 5. 31 400 Toulouse. On va tous vous enculer avec plaisir. On est tous avec vous, ensemble. Même on peut dire en les uns les autres. Merci de nous écouter. Nous savons que vous nous aimez tellement. Enfin, que vous m'aimez surtout moi. Je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. On va peut-être pas exagérer quand même. Et de chair. Ok. Et ensuite, merci aux autres de participer. Je voudrais quand même les respecter un peu. Ce serait dommage d'oublier une participation qui est certes indispensable. Ça va, vous pouvez parler. Hein. Je vous ai pas dit vous fermez vos gueules non plus. J'ai pas dit ça. Hein. Ouais, de toute façon, y'a rien à dire. J'avoue, c'est quoi cette musique de merde? C'est pas de la musique de merde. Non, moi j'appelle pour dire que j'ai mal aux oreilles, ça serait bien que ça s'arrête quoi. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Aïe! Faut que ça cesse! J'entends pas. Allez, comment on fait pour avoir un abonnement l'écho de la radio. L'écho de la montagne. Merci de nous écouter. Vous nous entendez bien. Et spécial dédicace aux méridionaux du Puy-Sancy. Allez, y va, hein. Allez-y, les Gaulois. cache tes poils. Vous avez des poils. Voilà, en tout cas, des poils de chasse, pour faire des mouches pour la pêche. Bon, on peut pas passer des annonces sérieuses. Attends, tu m'entends même pas, je suis sûr. Ouais, mais nous on t'entend pas trop, hein. C'est putain, y a pas de volume sur votre truc là. C'est la merde. Faudrait que tu montes le volume du téléphone. Ah, c'est ça, ouais. Comment tu fais pour monter un volume de téléphone, toi? Bah, si, tu vas dans options, tu montes le volume. Non, c'est pas un portable, c'est un putain de fixe de merde en plus que vintage et tout, tu vois. Ça dépend l'année qu'il a, ouais, c'est sûr. Non, non, c'est, il est tout neuf, mais il fait vintage et il a aucun réglage. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone tout neuf si t'as aucun réglage? Ouais, parce qu'en plus on a niqué le câble et tout, c'est de la merde. On tire un peu parce que là, si tu veux, c'est en train de se barrer en X là. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit là? Je sais pas, il parle de la discussion, je crois. Il parle de X. Ouais. Je lance un appel. Hein. Vas-y, ouais. Cherche actrice, amateur, bénévole, bien sûr. Non, tu cherches des amateurs, ils cherchent des mecs. Pour faire des mouches, pour aller à la pêche, on est en rate de mouches. Ah ouais, mais ils cherchent des mecs, c'est excellent. Vas-y. Oh, le PD, quoi. Des poils de chasse. Il a raison. Oh oui, le PD, vas-y, continue. Pour faire des mouches, pour la pêche. Ça mord, bordel. Mais t'es... Ouais, non, je suis pour le mariage gay, homo... Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, d'accord, mais tu disais quoi alors? Mais j'aimerais meuf, hein. Non, mais ça craint, faut pas parler de sexe ici, c'est comme au bar, on parle que de... Politique, de rien d'autre que... Politique. Non, surtout pas politique non plus, pas de religion non plus. Alors mon blaze c'est... Je croyais que tu connaissais pas... Ouais, moi je crois en Dieu, ouais. En fait, non, t'étais là, genre. Canal Sud 92.2, www.canalsud.net. www.canalsud.net. Téléphone 05 61 53 36 95. Ouh. C'est ça. Adresse le 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse. Toulouse. Voilà, téléphonez à la radio qui fera passer le message, merci. Généreux, spécialité cunilingus. Merci. Merci. Je suis généreux, spécialité cunilingus. Merci. Des foies de chat, merde. Un foie, je traduis pour vous entendez rien sûrement. Donc un foie de chat, pardon. Non, foie de chien, il a dit, je crois. Un foie de chien. Un foie de chienne. D'accord, d'accord. Eh oui. Ah, c'est le foie. Mais quel jour? Ma foi. Oui, ma foi, oui. Ma foi, oui, quoi, un foie de chienne. En espérant qu'ils aient pas trop tiré dessus ce week-end, quand même. C'est bon. En fait, ça fait un gros. Ça va être tant de chiens, sûrement. On a trouvé. Ah mais oui, tant de chiens. Oui. Est-ce qu'il pleut aussi chez toi là-bas? Non. Allô? Sans décaler, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de Larsen. Bon, bon, bah alors là, bulletin météo. Je t'en prie. Ça devrait s'arranger dans la semaine à venir. Il va pleuvoir de la merde. Ouais. Faites okay. Les dents du soleil. Mais sinon. C'est lui qui nous a fait du reggae là tout à l'heure. Non, je crois qu'il a fait autre chose, je sais pas ce qu'il a fait. Il fait quoi? Je sais pas, du reggae. Du dance hall. Non, du. Je sais pas. Du raga, raga. C'est raga, je crois que ça va être autre. Ouais bah ton cul. Ils sont parlés de mon cul, alors je voudrais dire merci quoi, Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Qui nuit aux danses aussi. L'émission de toutes les nuisances. Collectif Marie-Ride Saint-Etienne, de la bombe. Collectif Marie-Jeanne, merci. Super, merci. Merci Kiobla, c'est super bien. Merci de dire ça à l'antenne. Franchement. Je voudrais vous remercier, les gars. Vous voulez me griller ou quoi? C'est ça que vous voulez, quoi? Ah, des frérots. Je paye ma cotise pour quoi, alors, les gars? Eh ouais, et hop. Ben, il y a des gens qui existent, qui sont au top, comme vous, et... Oh, voilà. Ta gueule. Non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça à ma gueule, tu vois, merde. Putain, excuse-moi, excuse-le. T'sais. Mais on comprend rien, c'est, on vous explique, c'est en décalé. L'émission est tout en décalé, c'est-à-dire que nous on parle, ils nous entendent genre 15 secondes après. On parle en décalé aussi, on anticipe ce qu'ils vont dire et tout, t'sais. C'est excellent, c'est super. Bon, merci, merci à tous. Hein. Nuisance vous aime, on aime l'amour. On, ouais, on aime l'amour dans Nuisance. I love you, affect me, I love you. On aime Nuisance. Il a dit quoi? Fuck me too. Ah la la la la la la. Non, petite revendication. La vie d'artiste, c'est dur. Carton, couverture le long des murs. La vie est dure. C'est tout? Et big up à Chevignon. Oh! scénario. Quoi? C'est vraiment difficile. Ouais, tu trouves aussi? Pardon. Non mais t'es cardio. J'ai plus de la gueule en fait. Toi aussi? Ouais. Ah merde. C'est non, bah, partageons notre mauvaise haleine. Ouais. Ouais. Dans l'utérus. Hein? Ah, je t'ai craché à la gueule? Non, dans l'utérus. Je veux ah, dire. Dans l'utérus. Ah, bien. Je te... bah... Partageons notre mauvaise haleine dans l'utérus ce soir, le thème. Bien que je te il est crache. Dense, il est dense. Bien que je te crache dans l'utérus. Crachons-nous les uns les autres dans l'utérus. Ah oui. Si d'ailleurs, si tout le monde se crachait dans l'utérus, le monde serait beau et paisible. Enfin, lamentable. Lamentin, je veux dire. Lamentin, ouais. C'est mignon. Petit lamentin. Un excellent lamentin. Voilà, merci le monde. Ouais, on l'aime. Mais doux comme un lamentin. Non, mais t'es... Hey. C'est ça. Ouais. Ouais, chier. And butt fungus. Ta ta ta ta ta, vilain méchant, pas content. Thank you. Let's fuck. Yeah, baby. Yes. Ooh. Fuck you fucking motherfucker. Why? I like to fuck babies. Fuck my fucking ass. Fuck uterus. Fuck. Ouais. Ah ouais. In your uterus. Non, j'étais mort, je te dis, putain. J'étais mort avant. Je me suis frappé avec la gueule dans le pourtour du machin, tu sais. Non, parce qu'avant... La putain de charpenterie. Non, mais il a dérapé la marche. En fait, en dérapant la marche, il a perdu l'équilibre. C'était, il a tapé la tête longue de la rambarde. C'était à Bellevue. Bellevue, en pleine cité. C'est la prison, Bellevue. Merde, elle pue du cul. Thank you. artistique de mensonge créé pour vous ce soir en live. On vous entend et vous n'aimez pas ça et vous avez raison. Car Nuisance n'aime pas être aimé ni aimé. Nuisance, ça pue du cul, ça pue la merde, ça chie partout, dans votre fion et dans le nôtre, dans le mien surtout. Travaillent comme un privé, les passagers. to your mother. Wow. Merci beaucoup à l'antenne de Canal Sud qui supporte ces intempéries. Non mais pas merci, c'est tout à fait normal. C'est vrai, ces intempéries sont tout à fait abnormales, et d'où l'antenne de Canal Sud. C'est comme dirais-je le yin et le yang, tu vois. C'est des choses très... et des choses très... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on parlait de mes abdos? Quelle bière? Je ne bois que du whisky. Du whisky garanti. Thank you. Fuck you very much. Fuck us very much. I gotta say, there's really something important to say about all this. Something weird. C'est comme on se rend pas trop compte, mais en fait, dans l'anus, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est la beauté de la chose, c'est justement quand l'excrétion, c'est excellent. Quoi. L'excellence de l'excrétion, c'est vraiment l'anus. J'aimerais souligner la chose ce soir avec vous encore une fois. Merci. Nous aimons le vélo. Le thème de ce soir, c'est le vélo. Thank you. Je vous lèche et je vous baise sur la joue. Absorbé par cette affaire, par ce destin. ont fini de parler. C'est parce que. Bah non, ça se coupe tout seul au bout d'une heure et demie, je sais pas, c'est Free qui doit faire ça. Au bout d'une heure et demie, deux heures, ça coupe tout seul. On se fait un after ? Alors, vous êtes toujours sur Canal Sud, 92.2 FM. C'était en direct de vers les environs de Clermont-Ferrand avec des topos que je peux citer, voilà, si c'est fait. Et. On est à l'antenne là ? Voilà. Ouais, ça y est, tu peux mettre ton casque. Tu m'entends ? Oui, on t'entend. Voilà. Vas-y, c'est bon, tu peux continuer ton truc. Voilà, et donc. Attends, reviens avec ça. On remercie les topos avec leurs instruments divers et variés. Ouais, je vais les accompagner. Là-bas. Ensuite, on voudrait toujours dire qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Et on voudrait toujours remercier donc Ja. Merci Ja. Ja Rastafari. Rastafarien. C'est moi. Rasta sans les dreads. Rasta sans dreads. Brain damage. Ah ouais, brain damage, c'était des Rasta. Tu connais brain damage Leukimia. Tu connais leukimia? Non, mais brain damage, réponds-moi, non, sérieux. Brain damage, ça veut dire. J'aurais besoin de. Ça me dit quelque chose. C'était des Rasta en 80 qui faisaient du punk. Des Rasta engagés aussi. Est-ce qu'ils utilisaient l'hyperventilation? Il y avait une super entente encore à cette époque entre les Rasta et les punks. C'est vrai? Ouais, super. Mais pas les punks, genre les skins, c'est vrai? Un cerveau de. Les punks. Les skins. Les punks de gauche. À part la religion, ça c'est. La religion, c'est quoi déjà? Ouais, c'était plein de choses, rastafarien, rien. Ah, ça. Ouais. Le rastafarisme. Ah, merde. Bon, attends, on peut recommencer. Je parlais de mon fion au départ. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Des hémorroïdes, oui, parce que en fait. Voilà, c'est ça. C'était en ce temps-là. Bah, moi, je te conseillerais de te mettre un petit coussin, avec de la crème, un peu de vaseline. J'en ai un tube. Tu te mets un doigt, un peu de vaseline dedans, un peu de vaseline dessus. C'est quoi avec le tube? Bon, le tube, tu peux mettre le tube dedans et t'appuies après. Hein. Voilà, je l'enroule le tube pour qu'il soit plus dense. Ou je le laisse plutôt en longueur. Tu peux le laisser en longueur, le mettre et le dérouler, tu vois, l'enrouler au fur et à mesure. Comme ça, tout sort à l'intérieur et comme ça, tes hémorroïdes, voilà quoi. Ouais, de la vaseline. Oui. De monde. Alors après, si tu veux que qu'elle perce un peu, tu mets un peu de sable. Je cherchais la personne qui faisait cette de merde. C'est horrible. C'est Laurent. Non, mais le sable, c'est pas ce que je fais en premier. Le verre. Ah, tu mets le verre après le sable. Ouais, tu me diras, le verre, c'est bien après le sable. Le sable enlève le verre et Non mais après, papa pousse, fils de pute, enque ta mère. Et tes opinions sexuelles ou tes opinions. Vas-y, c'est ça. Enlève ton casque, enlève ton micro, vas-y, enlève tout. Mets-toi un poil, connard. C'est ça, ouais. Montre-moi ton cul. Ouais, bah montre-moi ton cul. Suce ma pute. Tant de songeons. Ah voilà, et remets ton casque. Non mais je préfère ça quand même. Ouais, pompe le tang, hein. Ouais. On t'a vu, nous. Arrêtez de regarder, merde. Des voyeurs, c'est tout. Vous êtes flexibles, c'est tout. Vous ne connaîtrez point. Ça y est, flexible, je vous dis quoi faire. Moi, je reviens à la discussion. Dis-moi quoi faire. On parlait des mots. Des mots. Monsieur, madame. Non, c'est monsieur, madame. Roïd, ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Emo, oui. Ah, je crois que c'était Hero. Andros. J'en ai une autre. Monsieur Magram, Igor ont un fils. Comment il s'appelle? Alors son nom de famille, il faut deviner. Moi j'ai trouvé. T'as coupé les pieds. Igor. Non. Ah, il s'appelle Igor. Monsieur Madame, Bip ont un fils qui s'appelle Igor. Comment il s'appelle? Igor. De nom de famille, Igor, de nom de famille. Comment? Igor, j'ai trouvé. Ah bah si. Allez, bonne. Igor Carré. Parce que deux fois Igor. De quoi vous parlez? Al. Non, c'est pas moi. Al. C'est pas moi qui parlait, c'est parler de vous. On parle à Al. Il s'appelle Al. Al. Al. Non, c'est monsieur. On et parle madame, à la cachère. Monsieur et madame, le quelque chose. Eh Farid, t'es qu'une pute. Ouais, et tu pues du cul en plus. Monsieur et madame le quelque chose ont toujours un fils qui s'appelle Igor. Alors comment s'appelle-t-il? Alors nous allons le savoir dans quelques instants après la pub. Donne-moi la régie. Ah, la régie. Parce que j'ai pas que ça à faire. Canal Sud 92.2. Bombastique. Pourquoi je m'entends plus dans mes micros? Ah, au secours, pourquoi je m'entends plus dans mon micro? Ah, au secours. La mousse absorbe tout ce que je dis. Et la mousse me donne envie de dire des choses. On s'entend plus dans notre micro et on arrête tout de suite. Allô, je te parle. Allô, je te parle. Mayday, mayday. Est-ce que quelqu'un aurait du tabac à rouler, s'il vous plaît? Attention, c'est un arabe juif allemand qui prend le micro. Est-ce qu'on a le droit de parler de sujets tabous? Orthodoxe. Ah là, je préfère. Ah ouais. Orthodoxe. Remets ton micro. Là, remets ton micro. Oh, remets ton micro. Ouais. C'est complètement horrible. C'est comme si on était Radio Jamaïca. Radio Jamaïca. Il faut dire des choses, mais oublier de dire son prénom, sinon les choses retombent sur nous-mêmes, disait Newton. Bon, alors aujourd'hui, tout de suite, aujourd'hui, parce que maintenant il est minuit et quart. Donnez-nous le cours de l'or, alors. Ouais, le cours de l'or, moi j'aimerais bien savoir. Actuellement, l'or est à 17 l'or, euros. L'or est à combien? Pour combien elle couche, l'or? Combien? Mais attends, moi j'ai envie de... Mais ta gueule, la nécrophilie. Vous voulez pas arrêter de parler de ça, s'il vous plaît? Moi, je suis en période difficile. Alors, le ça. Va en parler à ton psy, mais moi, ça me regarde pas. Est-ce que t'aurais du tabac, Rico? Non, je suis t'en demander, justement, car je suis en envie de fumer une cigarette, comme tu peux le voir. En envie. Voilà, moi, je suis en vie et souvent j'ai des envies en fait. Tant que je serai en vie, j'aurai des envies, je pense. Après, on sait pas hein, si j'ai tort. Hein. Vous avez pas envie de faire du son? D'accord. Et l'autre, tu continues avec ton. C'est toi l'autre, je vais pas donner ton prénom. C'est pas moi qui ai fait ça. Non, mais tout à l'heure t'as fait un. Je sais pas, t'as fait un truc là, vas-y. Continue. Alors, recommence quoi. Je suis pas en train de te traiter de bête de foire là, y'a pas de problème, on est sur le canal. J'entends super. Bien. Attends, j'essaye. Ça... Quoi? C'était Dimitri? T'as vu, ça te plaît? Ah, c'est moi. Non, mais okay. En fait, il y avait eux. Donc, vous. Dimitri, tu continues. Les autres, t'es l'autre. Donc, Dimitri, j'aurais préféré qu'il prenne sa voix pitchée, là, qui fait très bien. Parce que Dimitri, c'est un très bon. Il est quoi, très bien. C'est quoi un pitch? C'est quoi une voix pitchée? Très bon. Un pitché, un ralenti bon. De un ralenti bon. De bruit. On va y arriver. Ok. On pourrait presque devenir femme première. La première dame de France a décrété les Français sont des minables, je ne suis pas une Française, j'ai mon passeport italien. Ouais, on va couper le jeune, hein. Konnichiwa. Ah, sexy firm. Ouais, non, je peux pas. Non, non, c'est bon, je rigolais, c'est bon, je te rends. Le jeune rit toujours, même dans le micro d'un autre. Ouais, ce qui paraît. Et, dis-lui. Carla, bah nique ta mère. Ouais, nique ton race. Comme et Nicolas, hein, pareil. Qu'est-ce qu'ils disent? Et t'entends bien, Soleil Levant. Ouais. On parle de la première dame de France. Après que Nicolas Police. Oh, mais non, la première dame de France. T'as déjà fait un chili con Carla. avec un wok ou avec des nouilles. Non, mais vous savez qu'il y a pas beaucoup d'auditeurs à cette heure-ci, qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait un Chinois qui nous entende maintenant. Mais je te viole. Ouais, parce qu'il y a que les Chinois pour être réveillés de façon à cette heure-là. Les blagues sinophobes, on va arrêter ça tout de suite. Oh non, pas encore de riz. Pas encore de riz, tous les dos de riz. Il est complètement con celui-ci. Eh oui. T'es, quand on boit trop de Tintao, tu t'as donné, t'as mal à la tête. Vous entendez la musique hindouiste? C'est Monsieur Kama Sutra lui-même qui est venu pour composer cette merveilleuse composition, évidemment. C'est la première fois que vous allez entendre des reprises de cette manière. Déjà qui fait une reprise de Caravane. C'est la nuit, tire mon chameau, c'est garanti tes pur porc. J'ai fait un verre, j'ai fait de beau, moi j't'ai guérandé. J'ai prenne sur mon chameau, entre les deux bois, dans le caniveau. C'était de voir ce que c'est qu'un double cheeseburger. La tête est comme si j'ai marché très vite, mais mon sang n'a fait un scandale. Ça fait mal aux genoux quand je te prends dans le sable comme ça. C'est surtout les petits cailloux. C'est fini apparemment. Et c'est un chantier quand je te prends sur le gravier. C'est sûr c'est très abrasif, mais tu cries c'est très jouissif, ouais. C'est surtout les cailloux. J'ai pas de papier mais je t'ai fait crier. C'est surtout les cailloux. J'ai le niveau d'un bon ouvrier vaillant. Les petits cailloux qui... On a de l'air d'énergie à revendre. Qui me font crier les petits cailloux. Tu vas bouffer mon bout de viande. Bon, j'essaie, c'est un peu limite, un chouïa, mais bon, ouais, ça marche comme ça pour la rime. C'est pas un crime. Va te coucher. Moi, du tabac, s'il te plaît. Si j'avais arrêté de fumer, je t'aurais dit non. Eh ben, vu que j'ai continué, je te dis, va demander aux autres. Parce qu'en fait, j'en ai pas et j'ai vraiment arrêté de fumer. Sauf ce soir. Parce que j'avais de commencer la soirée au Ricard et je vais finir à la poire. Si on arrêtait tout court.